Est-ce que là, mec, un point G? Oh my god, des gars, Stardouji et Barbal, t'as pas de bol, les risques quand t'as pas de balle, c'est qu'il y a toujours les bad boys, pas besoin de bandana, ni de bandana. Old boy style, surtout quand on est pas de là. Ici on évite les menaces, tous mal ici on manigance comme Mali. La cadence est rythmée ici en Mali, toutes sortes de rimes, pentagone de crime. C'est forcé, on forcé, c'est pour ça que tu déprimes. Wesh, gamate le ouf, je prends le micro et je fais de la main comme surcouf. Les faux, je m'en fous, je les flingue tous et quand je pars, je les entends dire ouf. Vite, j'étouffe, mais du bon son, que du bon garçon. Je veux du M-groupe, les repentis, mais surtout pas du bidon, je dis con. Flirte souvent avec la mort, mais franchement, c'est con. Je veux pas me niquer la vie pour une embrouille, clame, c'est pour ces cons. Les gars, ouais, on y va, nique tout, sur l'instru trop sec. Car quand t'écoutes, je veux pas que tu ris comme devant le sketch à Popec. Mec, partout Jacquard, Wishai Runega, le microphone en main, Hades, Krillin, Erko pour toi, frangin. C'est comme un festin, la bonne cam comme du ricain. Sauf que là tu comprends tout, donc pas besoin d'Olivier Cachin. Pour toi c'est le cachot, si t'as pas le cachet, faut te cacher. Comme tous ces nazes qui font du rap pour se la raconter, rien que des blaireaux. À la dégaine, b-boy qui traîne à Châtelet. 8-6 dans la rue, mais chez eux boivent que du lait. Mec c'est l'apocalypse, les vrais éclipses. Arrivent des putains de mecs qui pensent qu'à foutre la caisse, se prennent pour des crips. Fixe, toi dans la tête, une idée, celui-là. Et fuis-là, tentation d'imiter ce que fait ton pote, gars. En place, yo. Pour le double impact, ça se passe, yo. Hades, Krillin, oh my. Attaque pour une nouvelle passion. On se place, yo. Hormis les plus grands, hormis les plus grands. Repenti, oh my, ça sonne comme la charge d'un bison. Y'a pas de malaise, gars. M.G, et partout de caca. Et on goûte ça. Écoute ça, c'est d'abonne pour l'escarla. En 9-7, on était déjà là. Mais regarde maintenant. En 9-8, on revient encore plus fort et frappe violemment. Le monde à terre. Prêt pour un duo de bâtards. Les repentis M groupe en place. La troupe est prête, 4 lascars en guerre. Quand j'ai un regard sur les faux frères dans le Tchikar, y'a plus d'espoir, le noir complet. J'écharpe fusil à pompe, les gars complotent entre eux. C'est triste, j'pourrais t'en faire des couplets. Des histoires à te couper le souffle, comment rester soufflé. Détesté par tant de gens, un blanc au max ça déplaît. Des blancs, y'en a contre moi, combien aimerais-je me déplant, s'il te plaît. Garde les plans, planque des gars, y'a plus de fair play. Hades va falloir tes plans, c'est plein de trucs qu'on est prêt. D'après le plan, on fait plein de munitions, des rimes pour punition. On reste unition, déchire sur beat, c'est que telle est notre mission. Fission, l'officier en tant qu'M-scission. Des dégâts, cherche pas, chez nous y'a pas de travail bâclé, y'a pas que les buts pour parler. Je vois que tout le monde est chaud, ok vas-y refrais bâclé. Chromate mon crew rock en place, on m'a écrit le temps écrit. Quand la rime roule, éclaire l'issue écrit. Quand l'enviral de faire mal, de faire feu, de faire mieux, je défile faux, de faire face mille fois le feu. Qu'est-ce que tu veux, RKO en personne, freestyle pour ma personne. J'applique pic sur bloc note, ma clic clame le jackpot. En route la wesh rouilla, ça craint de gratter gratis. La dèche au fond de mes fouillas, j'opère depuis les coulisses. Du 9-5, 20-5, la crème du RAP, gars. Déclaration ouverte pour 9-8, constate les dégâts. L'appel du mic sonne, j'invite à foutre le boxon. On est que ça à deux clans, j'enclenche accro du mic, non. En place, yo. Pour le double impact, ça se passe, yo. Hades, Krillin, oh mic. Attaque pour une nouvelle passion. On se place, yo. Hormis les plus grands, hormis les plus grands. Repenti au mic, ça sonne comme la charge d'un bison. Y'a pas de malaise, gars. M.G, et partout de Jaka. Et on goûte ça. Écoute ça, c'est de la bonne pour l'escarla. En 9-7, on était déjà là. Mais regarde maintenant. En 9-8, on vient encore plus fort et frappe violent. Non, je n'hésite pas à l'appel du mic, belle cul, tu la pompéras. Cul de sac dans la caisse, claque, éclate comme un coup de latte. À bout de force, j'abuse du mic et pas. J'acte à chaque étape, ma tactique n'est pas en toc. Y'a comme des choses qui provoquent cette voix-là, la voix-là, la voix du vice emprunté. Par principe sans feinter, j'emporte plus qu'au grindé. J'suis blindé sans blaguer, zigzag éclaire la voix des plus jeunes nous affamés qui flirtent avec la flamme. J'encaisse, casse la baraque, pas d'arnaque sur la 7K. Celle pour les blocs, mon pote s'y casse comme la coca. Ça se moque, j'en foca pour ma locale family. Un beat de plus en cloque, plein 9-8 pour la TC. Nouveau son, nouvelle génération. Sa dégénération de peur à ta ration. Se place, met la pression si on se trace. Une putain de vie, si on se classe parmi les meilleurs. Si on se casse de ce putain de pays. Boom, beat, yeah, boy, boy, boy, boy. Y'a tous les boy, boy, joue les boy, boy. La bouillonne explose si tu joues, boy, boy, y'a le poyen. Ici, faut surtout pas te prendre pour un saïen. Le 9-5-20-1, c'est ce qui fait une troupe de frangins. J'ai une graine de star, on movie star et Laurent Boyer. Au pavillon, va le tardi comme les bourges. Que quand je rappe, ça le fait, tu fais quoi? T'es fou ou quoi? Pourquoi t'achètes pas le CD? Comment veux-tu que ça paye si y'a tout le monde qui se met à le copier? En place, yo. Pour le double impact, ça se passe, yo. Hades, Krillin, oh my. Attaque pour une nouvelle passion. On se place, yo. Hormis les plus grands, hormis les plus grands. Repenti, oh my, ça sonne comme la charge d'un bison. Y'a pas de malaise, gars. M.G, et partout de Jaka. Et on goûte ça. Écoute ça, c'est d'abonne pour l'escarla. En 9-7, on était déjà là. Mais regarde maintenant. En 9-8. suite. On tient encore plus fort et frappe violemment. En place pour le double impact. Ça se passe, pas d'esprit là au mic. Attaque pour une nouvelle passion. On se place, hormis les plus grands. Hormis les plus grands, repenti au mic, ça sonne comme la charge d'un bison. Pas de malaise, gars, même point de vire. De partout, Tchaka. Écoute ça. Écoute ça, c'est de la bonne pour les scarlas. En 9-7, on était déjà là. Mais regarde maintenant, en 9-8, on revient encore plus fort et frappe violemment.